say. Wait, wait. Ha! Dexter, wait. Hey, yo. La vision du blanc est incrustée dans ma tête. J'essaie de faire l'argent facile et rester loin de la bête. Sinon les jeunes gosses ici pourront pas faire la fête. Tout autour de moi la plupart de moi sont en dette. Alors je bouge et je planifie mes mouvements. Tellement qu'au point de monde qui voit mon succès trouve ça troublant. Jeune gosse destiné à un vide truand. Mais pourtant à 100% les hip-hop coup dans le sang. Maintenant c'est strictement les instruments que des simples. Et je continuerai jusqu'au jour où je meurs. Et si je meurs un jour, fils, faut pas que tu pleures. Viens prendre mon argent, donne ça à ma mère, à ma soeur. A tout ce que je tiens très fort dans mon cœur. Et pas peur, oui. Car tout le monde a l'horreur. Pas de texte, c'est ça. La connexion, on part en mission. Le plan, c'est première position. La vision du plan, j'aimerais la voir. Les architectes. Que je prends, je me rends dans les stars bouillants, tourbillonnant. Correct, mon hip-hop surprend, c'est quoi le plan? On dit que je suis pourri. Quoi? Pourriture aristique, mystique, solécisme, mythique, puissance 10. Rarissime, la sortie l'excite. Mec, je suis ici comme le dernier des misfits. Cynique quant à la technique, soporifique et le style des M6 en plastique. Parle mathématiques, me flanc chien sur le mix. On écrit des rimes, déchire mec, pas de limite. Avec ma clique, mais sans clic-clic, sans pop, sans bullshit. Rien que se rendre dans l'air, façon renard ou lascar et sans retard. Quand je fixe c'est du fouet, combien prétendent nous connaître lors d'un show dans nos baskets. Pas de star, juste un respect en force avec les architectes. Ray Ray à la tech, un beat au combien insoumis qui sort des sentiers battus. Pour qu'être du camp d'un grand ou passer sa fille sans l'étude. Ça c'est le cœur qui me guide et fils, j'aime cette chine. Arms égale, Montréal, marché. La vie sur le goudron des modestes, le plan qui me concerne exclut la peine et les embrouilles internes. Terne et la scène, fils si on se clash pour du bread. Mais je dis ce que j'ai dans les tripes, no bullshit. Piste à chaque fin cycle, fils j'ai trop connu de péril. De faux qui s'étripe, qui nous les brise, de véritable trip autour de ma zig. Suffit hip hop, veux que tu brilles. Ça suit, faut du bénéf avec du vrai. Et c'est ça qu'on te donne, mec, faut bien l'avouer. Tu le sais. La vision du plat, j'aimerais la voir. Les architectes. Oui, oui. We run the whole life for this. When we go to Quebec, unbelievable respect. La vision du plat, j'aimerais la voir. Les architectes. We run the whole life for this. When we go to Quebec, unbelievable respect. Le plan, c'est la réussite dans le business. Ma famille dans le palmarès et sans stress. Real hip-hop si je te blesse, la scène. Les médias, les potes à 100%. Et pour l'instant, laisse courir tous les cancans, tu sais. On est critique, ma musique te parle. Et si je râle, c'est que la vie n'est pas simple. À Montréal et notre vision, c'est sur un truc, les techs te le couchent. Remonte à la source, mon quotidien est comme une course. Et d'après pour sa bourse, les intérêts à 20%. Et d'après le plan, les techs conscients resteront vigilants. Mon hip-hop militant, rien à voir avec ton commercial, c'est évident. Et si on est là-dedans, et cœur et âme, branché sur le sampleur, c'est que ces cultures black me collent à la peau et me tient un cœur. Et ma rancœur, rien à voir avec ces mots. Et ces mots, rien à voir avec ton flow. Frappe des techs, négro, 2-3-0. Frappe des speakers dans un style commando. C'est kamikaze, sans d'amour, en connexion avec Mars. Demande Gilles, faut que ça file. Si tu le sais pas ici, faut que ça te passe. Y'a pas de farce, de Montréal à Mars. Le plan, les architectes ici, c'est de réveiller la masse. La masse, la masse. Now I'm saying, when we go to Quebec, it's unbelievable respect. La vision du plan, j'aimerais la voir. Les architectes. We work the whole life for this. When we go to Quebec, unbelievable respect. La vision du plan, j'aimerais la voir. Les architectes. We work the whole life for this. When we go to Quebec, unbelievable respect. Respect. La vision du plan, j'aimerais la voir. Les architectes. Putain de merde, mec. Tu vois ce que je veux dire maintenant. Les architectes, va faire un peu les vrais respect, mec. Ouais, ouais. Putain de connect, mec. Tu sais. We worked our whole life for this.